Passe-toi le doigt bien, frangin, quartier, c'est de retour. Avec un micro comme parloir et des sons toujours plus lourds. Big up au que de passer à toi qui écoute avec respect. J'ai le son dans les entrailles et ceci jusqu'au funérailles. Jusqu'au funérailles. Qui est neuf, c'est mon place, gros, viens tester ce style et viens tester la team coco. C'est pour les vrais, c'est un rap de carnage. Le 7-8 en force cousin, car on a toujours la rage. Le pion au bec, la plume en repère. Ça pédave sec, ça entrave, c'est un son pour jam, mec. Je viens essayer de tourner la page, écrire et composer mon frère, car j'ai toujours la rage. Ça explique ce meurt, ta clique se meurt. Le rythme meurt, mon beat se peur. Le 7-8 team, 6-0 style. Chez moi pas de bling bling, chez moi pas de head mile. Toujours la rage et pas prêt de s'arrêter. On a la plume vénère et on vient banaliser. Les stars et mafieux représentants de l'Elysée. Un rat des Yvelines qui vient pour pénaliser.